إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères et sœurs, de plusieurs occasions, place, personne, je devine vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te pose une question qui nous est capable de dire d'une façon similaire, veut dire une question qui a d'une seule direction, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sa réponse est différente. Même question, même conseil, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, étant répond différemment. C'est pas une contradiction, ça. Mais seulement, nous pas fait cause de la loi, hein. Pas de la loi. Elle n'a loi capable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finjali dans le début, ensuite, après quelques années, la loi a changé. Non. Nous fait cause qu'une personne vini, j'ai dit, comme ça, ya Rasulallah, conseille-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, pas mettre de l'état de colère, pas en colère. Il répose même question, les alliés, pas mettre dans l'état de colère. Un autre sahaba, après un autre moment, venait dire, ya Rasulallah, quelque chose de plus bien pour moi. Si nous voulons être libres, j'ai dit, conseille-lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu es sur la langue, j'ai dit, amti kale kahaza, tu es sur la langue. Avec un autre compagnon, il dit, les alliés comme ça, l'argent. Il y a les mêmes comme ça. Mais j'ai dit, nous trouver presque même question. Mes réponses à Bévin, différemment. Libazan l'eau, la personne qui devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Libazan l'eau, la personne qui vini, il pose sa question-là. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner la réponse, basan l'eau lit. Mais seulement, il restait qu'en tant qu'un prophète, quand il dit une chose, même nous ne posons sa question-là, il vient pour ce oumma la réponse. La réponse vient pour ce oumma. C'est de là, chers frères et sœurs, qui nous guette. Avant faire salam, donne la main. Avant faire salam, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous beaucoup de voix. Malheureusement, les temps m'ont guette, moi, tous les temps m'ont reste lire. Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi. M'ont reste avec ça. L'Ibon nous connaît, qui devant une posture, dans soi là, oui, il y a un vrai qui nous apprend. Ben tasbih qui nous vient apprendre. Mais seulement, il ne faudrait pas nous penser qu'il apporte sa peine à l'autre. Prenez comme ça, chers frères et sœurs. Apporte surat al-Fatiha. Tout, sans être de la mort. Quand nous faisons des bouts. Avec quand nous attachons à Houd, apporte à Tahiyat avec Darul Ibrahim. Être sûr qui, depuis sa droit-là, il y a un changement devant le zikr. Il y a un changement de bande libre. Il n'y a pas une lettre. Pas une lettre. Rabbana wa lakal hamd ou bien Rabbana lakal hamd. Une lettre sans différence. Une lettre. Et sans ça, doit la signification. Nous prenons l'île. Depuis, droit de l'istiftah. Veut dire qu'on fait Allahu Akbar, l'istiftah veut dire l'ouverture. Ça qui nous habitait lire Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, quand il déboute d'un soir, il dit Allahumma, anta nuru samawati wal ardi wa lakal hamd, anta qayyumu samawati wal ardi wa lakal hamd. Même prophète, quand il fait namaz, Les liens à ça qui nous abdient, il y a Subhanak Allahumma wa bihamdika. Même prophète, quand il fait un amal, les liens, Allahumma barik baini wa baina khataya kama barakta baina al-mashriq wa al-maghrib. Ou Allah éloigne-moi avec moi de péché, pareil qu'on te fait mettre une distance entre les chiens et la prière. Il change de voilà. Il change de voilà. Les dents le cou, Subhanak Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim. Les dents le cou, Subhun Kuddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Dents le cou même. ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما اللهم لا مانع لما اعطيت صلى اتبليا après qu'il est levé d'un recours de sijda pareil oh de sijda ربي اغفر لي ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني. Ça, c'est Bandura qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a changé en ban avec les diables. Et pareil comme ça même, par tous les temps qu'il est nié. Allahumma inni dhalam tu nafsi zulman kathira. Oui, tu nous amènes ni, nous amènes ni. Il reste qu'il y en a encore de roi qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire. Par exemple, un de Bandura, chef frère, avant qu'il Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui fait salam, quand il est enceint, un de ses compagnons, quand il dit, qui te dit, entre. Hadith ibn Abbas radi Allahu an. Il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en tashahhud et salam, il peut dire Allahumma firli, ou Allah pardonne-moi. Qui pardonne-moi? Ma asrartu wa ma a'lantu. Ban péché qui m'ont fait en cachette, ban péché qui m'ont fait au clair. Ban péché qui m'ont fait, m'ont connu, ban péché qui m'ont pas connu, m'ont fait. Wa ma asraftu, ban gaspillage qui m'ont fait. Allahumma filli ma qaddamtu wa ma akhartu. Voilà ban péché qui m'ont fait dans le passé, ban péché qui m'ont fait. Ban péché qui m'ont fait dans le passé, et ban péché qui m'ont fait. Antal muqaddam wa antal muakhar. C'est toi qui plie devant, et c'est toi qui connais tout ce qui est venu. La ilaha illa anta, pena aucun illa excepté toi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit sa dua là, ensuite d'y faire salam. Sans qu'un doute, viens avec moi, nous voulons sa bandoua là. Devant livre de chers frères. Devant livre de chers frères, il n'a sa bandoua là. Ce n'est pas la première fois qu'il nous permet ça là. Non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est bandoua qu'il dit, je peux lire avant d'y faire salam. Pareil comme ça même quand nous guettons. Bandoura qui dit tu peux lire avant salam, c'est ça qui nous dit gagner alhamdoulilah la semaine passée, c'est quand il peut dire Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wa al-mamat wa fitnat al-masih ad-dajjal. Fitna. Alhamdoulilah nous finissons plusieurs fois. Qui veut dire le mot fitna? Fitna c'est ban test. Fitna c'est ban test. C'est pour ça. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, disent pour moi gagner une idée. Ça va une question qui gagne de la Kabbala. Ça trois questions qui nous connent. Qui question pour gagner nous connaît sur réponse tout. Qui l'examen ça? Qui l'examen qui vous finit comme sur question, vous finit comme sur réponse tout. Mais seulement quand Aïcha radiallahu anha pose le prophète sallallahu alayhi wa sallam la question concernant sa trois questions-là, il n'y a pas de sa trois questions-là, il n'y a pas comme ça, « Ya Rasulallah, est-ce qu'il nous pourrait un fitna de Kabbal ?» Qui fitna il veut dire? Est-ce qu'il nous pourrait un test de Kabbal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Na'am, wa qad uhiya ilayya, certainement mon fin gain wahi, annakum satuftanouna, certainement je ne peux pas dans un fitna. » مثل أو قريب من فتنة الدجال pareil ou bien près en fitna dajjal. Mais si quand il y a trois questions là pour être à l'os cette comparaison qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam chers frères et sœurs lui donne sa trois questions qui est nada kabbala. C'est pas trois questions venues man rabbuka Allah man dinuka l'islam, c'est pas comme ça. Trois questions qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin compare pareil comme un fitna, Dajjal. L'idée est mislou, pareil, au karibou, ou bien pareil, costé avec les karib, mais une fitna de Dajjal. Ça, c'est quand il fait une grande question, Ya Rasulallah, est-ce qu'il nous fait un fitna de Kabbal? Ça, la réponse qu'il lui donne. De là, qui fait, il donne sa réponse-là, parce qu'il nous trouve dans plusieurs places dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, les causes avec ban croyant pour autres l'intelligence. Quand il dit, les oulil al-bab, pour ban doué d'intelligence. Cambridge est capable de reconnaître moi. Est-ce dit bon, alhamdoulilah. Mais seulement, je ne vais pas réussir à reconnaître qui est devant moi, là, idole, ça, rose, ça. Pas qui a besoin de ressentir là-haut, là. Quand on trouve, ça récale les CPE de son école Zepla, mais seulement, il dit comme ça, Allah, devant là, ça n'a plus besoin de lire. J'ai dit l'école Zepo. Mais seulement devant Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut reconnaître sa rabla. Il peut reconnaître un seul Allah. Le clan est collecté certificat. Mais seulement pareil comme ça, il collecte idole de sous la carte. Il va rester reconnaître un seul Allah. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en appelle intelligent. Oui, il vient un plus. Quand demain, avec mon certificat, alhamdulillah, me reconnaît Allah. Définitivement, me décale avec ça, l'école des places, ça fait la société là. Là qui nous trouve compétition là côté gérant. En même temps, mon iman, en même temps, mon imam, mon certificat. Vous ne pouvez pas nous dire, non, maintenant que vous avez un imam, vous n'avez plus d'imam qui nous salit, c'est quoi là? Ça nous dire, renverse la situation, un seul nous salit, c'est l'imam de vous devant. Non. C'est pour ça, chers frères et sœurs, quand nous guettons ça qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une comparaison, il y a une comparaison qui est une finicité ou bien une foucité qui peut arriver au salat et là. C'est quoi? C'est ça qui vient nous chercher protection. À aucun moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dit nous cherche protection contre Dajjal. Fais bien attention là. Contre qui nous vient nous? Tout le temps nous t'amènes, alhamdoulilah. Contre Fitna Dajjal. Jamais nous vient nous cherche protection contre Dajjal. Parce que Dajjal, qui y était? Chef frère, il y a un djimoun. Il faut un djimoun. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas Dajjal qui concernait directement. Mais seulement c'est sa fitna, sa tête. Qu'il faut faire là. Sa tentation qu'il faut amener là où la terre là. Ça qui quand nous guide de tout ban hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit à nous, ou à min fitnatil masih dajjal. Fitna qui est sa moula. Autant pour un celui qui n'a iman, la question qu'il y posait, comme mon kun dajjal, mon kun qui ban qualité liéna, mon kun qui ban caractéristique, capacité, Allah fin de nuit, etc. Prochaine question qui vient, c'est quoi fitna Dajjal? Ça visait bien clair devant moi. Ça visait clair de mon iman, parce que même si je ne suis pas arrivé à témoigner, et surtout de mon la tête, qui fait? Parce que même si je ne suis pas arrivé à témoigner à l'époque-là, il restait qui connaît fitna Dajjal, alhamdulillah, il vient une de bonne façon pour me connaître sa trois questions de Kabbalah, qui est le plus difficile à l'os. Qui est le plus difficile? Chers frères et sœurs, premier point qui nous commençait comme introduction avant de nous rendre dans son époque, c'est comment nous titiller la semaine passée, alhamdoulilah, depuis parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pour voyage au salat et là, vitesse qui quand nous guette une goutte de l'eau tombée, comment tu vas prendre. On nous dit, ne t'avais une goutte de l'eau devant mon statir. Qu'est-ce qui vitesse ça? Là. Ça vitesse ça, la dial voilée. Ça, c'est ça qui nous a terminé la semaine passée, alhamdoulilah. Nous commençons pour aujourd'hui, pour nous poser la question, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, « Yamkoutou fil arbi arba'in asabaha » Dajjal pour rester la terre, arba'in, 40, sabaha. Sabah veut dire matin. En d'autres mots, il faut faire nous comprendre, il faut vivre 40 jours. Il faut vivre 40 jours, que nous sommes là. Ça, c'est que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin djani. C'est tout. Parce qu'il est en nous guette, nous l'époque 40 jours, veut dire il fait nous un mois 10 jours. 40 jours. Oui, 40 jours. Mais seulement nous continuons. Nous continuons que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Yom al-Awwal, ce premier jour, que ça n'a, c'est comment dire un an. Là, c'est lui commence à détailler tout là. Ce premier jour, chers frères et sœurs, qui Dajjal finit être reconnu comme Dajjal, veut dire Dimoun commence à trouver lui. Ce premier jour, pour comment dire? Un an. Imaginez combien de temps là. 24 heures par hein? Il faut un jour lui. Mais seulement dans les temps qui ça pour prendre là. Ce deuxième jour, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam contient de dire qu'à Shahar, et comment dire, aide-moi. Ce troisième jour, qu'est le sbour, divine comment dire, une semaine. Ensuite, il contient, il dit, ce quatrième jour, jusqu'à ce dernier jour, qu'est le miko. Il comment dire, un jour. Ce quatrième jour, jusqu'à 40e jour, il comment dire, un bon jour. Chers frères, il te suffit la même. Mon réfléchi là, qui vit ce bon jour, qui dit pour l'eau la terre, du sens dans les temps là, oui non. Il fait un décalage dans les temps, oui non. Ce premier jour, pour qu'on m'a dit un an. Au Dadjal, mais tu vois comment se fait non rien. L'environnement changé. L'environnement changé. Attention, je dis à bien chers frères et sœurs, parce que c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il dit à Fitna Dajjal, Fitna Dajjal, qui fait? Parce qu'il dit, pour nous en comprendre, Dajjal lui-même, il n'est pas capable de faire, pas capable de faire rien. Mais beaucoup de monde, ils développent une prière, ah, il y a l'époque Dajjal, l'époque Dajjal. Dajjal n'est pas capable de faire rien. Fais bien attention, Lola. Dajjal n'est pas capable de faire rien. Et il sent ça là qu'il me crédit. Mais seulement, capacité qui Allah subhanahu wa ta'ala fin, il donne. Pareil comme il a dit, tout qui se aïe au Satan. Mais Satan, non. Satan, non, pas comme ça. Pas n'est béni comme il dit, Satan. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est retourné depuis un voyage avec son compagnon, quand un ladan dit que Satan qui ne fait moi faire, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam appelle. Il y a dit certainement d'un flacli, d'un ferli, mais comment dire, un mot? Une montagne. Une montagne. Beaucoup de monde comme ça. Il rate pas ça, comment ça? Et je l'ai commenté, c'est un ingé, moi, comment ça? Oui, mais c'est un ingé, toi. Hein? Pas ça, l'ingé, toi. Oui, pas ça, l'ingé, toi. Comment comme ça? Et c'est un ingé, moi. C'est un ingé, toi. Certainement d'un flacli, d'un ferli, mais comment un? Une montagne. Je veux dire, quand tu es fier, il sent qu'il a pris une montagne. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, dire, malheur le shaitan, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est ça qu'il m'a dit. L'action que ça qu'il fait, c'est moi, cher frère. L'action que ça qu'il fait, c'est moi, cher frère. Shaitan n'a pas qu'à faire rien, lui. Shaitan n'a pas qu'à faire rien. C'est pour ça qu'on nous retourne avec l'événement Adam alayhi salam. Pour t'y aller de Jannah. Fais bien attention, Lola. Aïe, on a trop clair. Comment est-ce qu'Iblis, il fait Adam, alayhi salam, qui dans Jannah, comprend qu'il s'appuie, qu'il ne doit pas toucher là, c'est pas l'homme excepté qui s'appuie, toi, reste pour l'éternité. Comment il fait ça? Il rentre de Jannah? Est-ce qu'il m'a accepté ça là? La source, le mal rentre de Jannah, le Jannah qui était à l'os. Mais non. Alhamdulillah, nous connaissons la réponse. Fawaswasa lahu shaitan. Zis au waswasa ça. Il fallait qu'on sait oui non. Il n'y a pas de rentre de Jannah au Adam. Tu connais que c'est une cause de là. Pandali vini, assez une bonne dite, une bonne aldam, excuse-toi, ça fait là, au fait, qu'est-ce que c'est ça? Pandali, t'as fait ça là, dit. Qui est-ce que c'est? Fawaswasa lahu shaitan. C'est une waswasa, waswasa, c'est quoi, chers frères? Waswasa, vous connaissez ça? À soi, quand on finit de mettre la clé dans la peau. Qu'est-ce qu'il met de la clé? Moi. Je vais mettre la clé dans la peau pour virer. Ensuite, c'est comme on vient faire la peau là. Et d'abord, il y a tout ça pour y en a des coups là. C'est un carré de waswasa là. Il s'en a gagné deux. C'est un carré de waswasa. Waswasa, il faudrait, vous direz, il ne faudrait pas vous penser, vous direz, quand il prend des dames la tête pour vous transpirer. Là. Non, ça, qu'on gagne la fièvre, ça. Quand la fille là qui tombe pour le là, là vous serez senti comme ça. Quand vous finissez faire oiseau, vous avez dit, quand oiseau l'a compté, ça qu'il appelle oiseau. Ça. Quand vous faites des voûtes, alhamdulillah, deuxième, troisième rencontre. Ça qu'il appelle oiseau, ça. Ça. Et puis là, gros travail, vous les faites, allez. Venez souffler ça de nous la tête. C'est la deuxième, c'est la troisième rencontre. Fini. Fini. Je n'ai pas vu le temps, mais je n'ai pas vu le café. Moi, je veux le mot guetter. Ça, qu'est-ce que tu as fait sur ça? Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est déclaré qu'il y a un petit peu de cette situation-là. A'oudhou billahi min shaytan. Plié sa clignement, continue sa clignement de l'institut. Plié sa pensée qui m'a mis la tête là. Continue sa clignement de l'institut. Donc, quand nous retourne avec sa qui, Adam alayhi salam qui est passé de Jannah, c'est soit ça. Quand nous retourne avec Hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, pensez-nous, dire, m'aller à le shaitan, mais quand qui fait l'action? Moi, prends mon responsabilité, chef. Prends mon responsabilité. Qu'est-ce qui m'en? Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des conseils, ce compagnon. Et quand il veut dire ce compagnon, comme on nous dit dans le début, c'est à ce humain. Donc, chef, frère, ça, nous va nous dire, shaitan qui fait ça, mais nous ne fait l'action. Wa sallam, ingaïn. Nous continuons, chef, frère, ça, pour nous dire, Védiès dis mouguet, les temps qui est avec Dajjal. Et Dajjal lui-même, il n'est pas capable de faire non rien. Il n'est pas capable de faire non rien. Donc, nous, il restait nos convictions, la capacité qu'il peut faire sa bonne action-là, qui s'en a qui peut permettre lui. C'est l'histoire, Wallah. Donc, la prière, il n'est pas développé pour Dajjal. Il développe pour quoi? Pour qui chose? Fitna Dajjal. Fitna Dajjal, chef. Et non pas chef. Et non pas Dajjal lui-même. C'est un instant. C'est pour ça qu'il nous cherche protection avec Fitna Dajjal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, quand il dit à nous de hadith qui trouve dans le Sahih Muslim, wa innahu sayakoul ana rabbukum. Certainement, il faut dire je, moi-même je te rabb. J'ai bon salam. Essayez de comprendre ça. Et n'a un personne qui me dit ça au salafi Allah. Comme on l'a cas, je vais sur la Nazirat, je vous trouve là-dedans que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire avec Moussa alayhi salam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Et là-dedans, il dit, ana rabbukum al-a'la. Moi-même, je te robe qui de plus haut. Ici, Pédiano Bounza, Titna, Dajjal, il commence par les vignes, les Diano, moi-même, je te robe. Chers frères et sœurs qui firent, parce qu'il comme au guet, c'est lui qui me dit sa parole là, l'eau la terre, Pharaon, de là, nous artisés, nous prenons d'une autre façon à dire. Chers frères et sœurs, qui plie beaucoup l'histoire qui est mentionnée de sa Coran là. Ça n'a qu'un souci. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Nour alayhi sallam, Ibrahim alayhi sallam, excepté Moussa alayhi sallam. Excepté Moussa alayhi sallam. Allah subhanahu wa ta'ala me dit clair que le Dieu de Coran, certainement sa Coran là, lui mentionne plus beaucoup Mimbani Israël. Depuis cette histoire. Parce qu'il peut mis tout et quelqu'un qui me dit, moi-même je te robe. C'est tout? Non. Quand Moussa alayhi salam dans Surah 26, Surah Shuara, il vient avec Pharaon, il dit, An rabbasta bani Israël, ton père bani Israël commence à dos toi. Vous connaissez ça? Au bâti, ben a fait chiste pour Pharaon. Au bâti, vous connaissez ce qu'il y a pour fouet? Bana gagne bâti pour faire six d'aller vendre. Je suis content qu'il n'est pas pareil. Qu'est-ce que Pharaon, quand il dit ça, qui n'est pas bien faire? Il faut que vous ayez gâte soit dans robe là, oui, non. Il faut bana pour faire son ibadah. Ok? Mais qu'est-ce que Dajjal? Il dit, Anna robe beaucoup, moi ces autres robes. Ok? Tu dis ça là. Mais le latin, il y a quelqu'un qui dit ça. Mais seulement l'île qui vient battre pour Banna, adorer. Mais toi, chef, ce n'est pas challenger. Nous disons bien, il n'y a pas d'un d'extra avec lui, excepté la capacité qu'il y a l'un de lui. Mais seulement si elle protection avec son fitna. Parce qu'il rapportait dans Sahih Muslim qu'il divine avec un bédouin. Dis j'ai bédouin à moi-même de robe. Bédouin avec lui. Et j'allais comme ça que maman, papa, côté. J'allais, moi, maman, papa, ils sont morts. Djalib et c'est nous-mêmes Allah. Montre-lui de ce droit, il trouve son maman, il montre-lui de ce gosse, il trouve son papa. Et je comprends qu'il peut arriver moi là. Mon maman, papa qui meurt, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans de cela. Je n'ai pas été content pour retrouver son maman, papa, chez eux. Vous connaissez ça? Dans n'importe quel moment, comment dit mon nom aider ce recours à ce bande de difficultés vers qui ça n'a? Dis moi, on va bâtir ça. Il s'est automatique, ça. Il s'est automatique. Vous êtes capable d'être un grand enfant. Mais seulement son recours, il retourne vers Xana. Maman, papa. Dans ce moment-là, je trouve mon maman, papa devant moi. Qui m'en fait? Est-ce qu'il me soumet à lui ou non? Ça, c'est un problème. Deuxième semaine. Mais j'ai attaché avec Rob là. Nous allons prendre les numéros. Hein? Juste pour nous gagner l'idée qu'on peut dire nous siège protection avec ce fitna. Pas besoin, nous là. Vraiment, il faut venir faire quelque chose qui est capable de jouer avec nous, l'imam. Chers frères et sœurs, les bons nous connaissent dans le même hadith. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un shaitan qui prend forme. Mais il veut travailler avec ça là. Il veut travailler avec le shaitan là. Qui peut permettre tout ça là? C'est Allah. C'est Allah. Chers frères et sœurs, des shaitans, elle n'a pas forme sur maman, elle n'a pas forme sur papa. Qu'est-ce qui a été? Oui, non. Est-ce que c'est une ferme, oui ou non? Qu'est-ce qui a été? Mon fait là, oui ou non? Mon récit fini là, mon récit comprend. Non, pas mon papa. Pas mon papa. Comme on m'a dit, mon maman qui mort. Comme on dit, mon cala. Vous trouvez l'identique. Comme on m'a dit, mon papa qui mort. Comme on dit, mon tchatcha. Vous trouvez l'identique. Ici, pas qu'il y a ça, papa là qui nous vient devant moi là. Un chaton, il prend ça pour moi. Qui a été testé au moins, l'os? Qui a été testé au moins, chef? Est-ce qu'il m'aurait si comprend? Toi, t'as déjà, toi, c'est chaton, ça. Est-ce qu'il est-ce qui travaille là? Ou bien l'émotion qui domine moi? Qui travaille là? Est-ce qu'il m'en a récit, fini moi? Ou bien t'as l'émotion là, récit en faute? Laisse-moi en faute. Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam kafé djanou. Certainement, cherche protection avec ce fitna. Parce que vraiment, sa bande là que vous venez, c'est bande qui dit c'est lui qui n'a iman qui vous reste différent chez toi, c'est Dajjal. Fayati ila qawm. Devine vers mon peuple, vers mon dimoun. Fayakoulou l'Istama, il dit avec les chiens, il cause avec les chiens. Omdur, pas Yomdur, il dit avec les chiens. Fais la pluie tomber, la pluie tomber, chef. Fais la niaz dans l'île, hein. Pas fait cause niaz fini là. Pas fait cause niaz, noir fini là. Il cause avec les chiens, il dit. La fille tombée. Prochaine faction seconde qui partait qui est arrivée. La fille a tombé. Fayandoro il a l'or. Liguette la terre. Fayakol un bout. Fayundé. Liguette avec la terre. Et pied poussé. Pied poussé en fait. Est-ce que vous comprenez qui peut passer devant moi là? Est-ce qu'il me fait comprendre à Djimoun qui devant qui peut faire ça là là? C'est Dajjal, ça c'est Dajjal. C'est lui-même qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, qui pas pour une application fitnale au salatier là, excepté de lui. C'est lui-même qui a environ 124 000 prophètes qui viennent de la terre là. Apporte à nous juste Allah concernant protection, son enseigne de paix. Cherche protection contre fitna Dajjal. Imaginez nous, alayhi salam, qui dit ça là, avec ce peuple. Pour venir jusqu'à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un djimoun qui est l'échelle, il dit, fais la pluie tomber, la pluie tomber, la pluie tomber. Il dit, la terre, il dit, pied poussé, pied a poussé. Mais écoute-moi, il dit là, comment mon père dit là, comment mon père dit? সাবানাক শোনা করতে পারছিলাম জীবন সম্পাদে সাবানাক শোনা করতে পারছি শেষ হয়েছে তুমি পাস জীবন মনে তুপে পাস দেব মই মাজিন মকনি তালি মইনা পুফে মাগরিব ও আসার Juste à bourgeois là, n'est paré devant moi, légèrement un travail, vite. Et au fait, allez nous mettre l'overtime, défendre le pays, toi. Pas overtime N, overtime D. Chef, je fais paquet à droite, à gauche avec moi, cause avec moi-même. Bon, plonge ma grille, oui, non. Pas répondre, hein. Ça, je dis, mais attendez, ça, non. Légèrement, comme ça, terminé un tel cours. Comptez deux. Bon, crée ma grille, oui, non. Parce que ma grille, c'est le namaz qui se lève avec Fajr, je l'ai appelé, Bidjiki. Soit je quitte ce travail-là, mon Bidjika, et moi, je fais 10 commis, 3 rakas. Soit je viens de la tête, ça ne casse pas pour retourner encore ça. Et une fois qu'il te moque, bourgeois là, je vais dire fini, là, il va brûler d'un temps encore là. Et là, tu connais, on va être un temps pour gagner encore. Et quand tu en dis, comment tu rentres la case, tu sais, je fais ma vie, bêche. Ça qui est joli là. Si je suis dans une situation, on est comme ça, chef. Je vais vendre ça maintenant. Je vais vendre là. Je vais accepter. Oui, ma vie, bêche, Allah, au recours. Mais là, là, là, là, dans cette situation là, quand je me trouve ça, une action là, qui est capable de manger, je suis solide à l'os. Mais si je connais, moi, en tant que moi-même, je suis capable de glisser. Mais finir cette protection à l'épreuve la même. Là, vous pouvez le trouver. Qui fait? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous cherche protection. Pas pour nous guetter, vous direz nous sortir pas un terrible. Vous voyez, on va vendre tellement. Parfois, ah, parce qu'il cheatait sur la tête, nous pouvons finir faire. Mais la balade qui peut arriver. La balade qui peut arriver. Donc, c'est pour ça que ça devra là, bien reste avec nous, chers frères. Les bizarres restent avec nous. Parce qu'ils bannent les autres qui fitna nous peut faire. Mais ça plie grand fitna là qui peut arriver. Moi, je trouve mon maman, papa. Moi, je trouve la telle. Moi, je trouve l'échelle. Moi, je trouve, chers frères et sœurs, pour nous terminer comme l'exemple de ce qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous comme fitna, comme bandit, ce qu'il est pour faire avec nous. Juste pour moi, le comprendre. Et Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons avec encore. Parce qu'il n'est pas nécessaire, nous, c'est tout ça. Juste, alhamdulillah, nous avons une idée d'Adjal, ce fitna. Qui va en action, ensuite nous jouer l'île de nous iman. C'est avec ça qu'ils nous vivent là. C'est avec ça qu'ils nous vivent. Chers frères et sœurs, quand ils vivent avec un démon, ils tout lisent. Ils tout lisent. Tout guetter là où ils sont. Tout guetter. C'est du monde guetter. Mot c'est mot. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala donne la capacité de faire du monde narrer et vivre. De faire ça du monde narrer et vivre. Ça devant moi là, ça devant moi. Quand tu dis tout vieux là, tout vieux c'est tout vieux. Pas dire faire les mots. Hadith là dire yakotul, les tout vieux. Pas dire yamoud. Mort, tu ne peux pas mort comprendre normal. Non, non, non, non. Les touillés, veut dire tout ça qu'il a témoigné, ça dit qu'on a un mot, oui, non. Chers frères et sœurs, il fallait réfléchir. Dajjal, de ce fitna, il fait sa personne là, relevé. Et moi, on veut que ça devant moi, là. On veut que ça devant moi. Pas le poser question, mais comment il fait ça dans vie? Dans vie de voir le poser sa question là. Dans le les gens, mais qui fait les chéliques avec lui? Qui fait la terre? Ça va du mal à Allah. Pourquoi vous m'avez une histoire? Mais c'est ça qui m'a besoin de comprendre, c'est quoi? C'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut amener comme une capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous, afin qu'il y teste sa bande qui est alentour là. Juste nous prenons ça qui nous prend là, alhamdulillah, chers frères et sœurs, mais quand c'est moi, je ne vais pas comprendre là-dedans à l'os. Il dit à lui-même, Rob. Il fait un moment, papa qui? Qu'il m'a réparé. Les faire l'échelle, elle a fait tomber. Les faire la terre, ce pied poussé. C'est ça causé ça. C'est ça causé. Et les faire, ben, tout y a un petit monde, et les faire du monde à revivre. Chers frères et sœurs, quand nous joignons le tout, 10 commandements dire, la même mort va bien arriver qu'on voit qu'il peut faire ça. C'est quand même fitna. Pas test là. Qui te fait te soumettre à lui ou bien non. Si ça teste là comme ça, Mazin Zakabar là, ça trois questions là, comment peut-être? Pareil comme ça. Ou bien, prie avec lui. Ou bien, prie avec lui. Ça va une question qui nous peut trouver. Dajjal pour faire là, chers frères et sœurs, ça va une question de Kabar là, mais pour difficile pour un dimon de rester conforme. Pour y rester répondre. Parce qu'il a quand nous guetter, nous dire, oui, il y avait ça Dajjal, ça, mais à l'époque, ça, je vous l'avais aussi rappelé. Excepté avec ce, ce iman. Pareil comme ça même. Dans Kabar, dimon n'a pas pour répondre pour ce, connaissance soit sur la bouche, excepté pour ce iman. Inch'Allah, l'autre semaine, chers frères et sœurs, ça qui pour avec nous, c'est encore pour M. Ban Fitna, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, dans une époque que Papoué n'a mangé, il vient avec montagne de pain. Montagne, montagne. Vous connaissez ça? Vous rentrez dans un pays comme la Somalie, et n'a mangé avec vous. Qui a dit je tout viens avec vous là? Ça qui part de côté là, lui. Qui a été libre, il y a un avertissement concernant ça. Rentre d'un pays, un endroit qui paye à manger, un camion manger avec vous, vous trouvez un du monde qui ne peut pas coster. Il est drôle, il n'est pas drôle. Au fait, un celui qui est naïman pour comme ça dans les bons de diable. Il est drôle quand il n'est pas coster avec lui, malgré qu'il y en a montagne différente. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître concernant situation banque et dans l'iman. C'est-à-dire pour connaître les adjals. Il fait tout comme ça. Hein? Je me retire moi, moi je vais y aller à l'heure, je vais taper. Qui y aller, moi? Ou bien je vais passer dans la situation toi. Je vais bien passer, chef. Je vais bien passer. Les temps noirs tout ce ban jour, ce ban mois, ce ban semaine qu'il y fait, de ce 40 jours qui était là, d'adjals c'est un an, deux mois, des semaines de salatier. Quand on prend ce premier jour, un an. On prend ce deuxième jour, un mois. On prend ce troisième jour, une semaine. On prend ce quatrième jour, jusqu'à 40e jour. Un jour normal, il faut faire un an, deux mois, deux semaines. Dans ça, là, ces temps-là, le deuxième semaine, là, quand un an, des mois, il est passé. Qui lui est arrivé? Chers frères et sœurs, etc. Qu'est-ce ça lui pour moi et comment lui pour moi, etc. C'est ça qui vous vient avec nous prochainement, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.